Bonjour à tous et à toutes, c'est Aurélien. On se retrouve cette semaine sur Radio Game Oso pour un nouveau coup de cœur. Et cette semaine, après plus d'un mois de retard, je vais enfin vous parler du Laval Virtual. Donc, j'ai eu la chance, déjà pour commencer, d'interviewer l'organisateur du salon. Mais malheureusement, l'enregistrement est absolument inaudible. J'aurais peut-être pu vous passer un petit passage d'une petite minute, mais ça n'en valait pas le coup. Alors, je vais vous parler de mon expérience et je vais faire un résumé de l'interview. Donc, déjà, le salon s'est déroulé sur 4 jours. Donc, le jeudi 21, le vendredi 22, le samedi 23 et le dimanche 24 mars. Donc, le 21 et le 22 étaient les journées professionnelles où il y avait les principales avancées technologiques, où ça coûtait plus cher d'entrer. Bah, c'était réservé pour les pros, en grande partie. Et les journées portes ouvertes, le 23 et le 24, pour la détente, pour tester les innovations, faire connaître son... pour certains. J'ai pu jouer à pas mal de jeux en réalité virtuelle qui avaient été créés par des étudiants de deuxième année, des écoles qui venaient de tous bords, hein, Paris, j'en ai eu de Mulhouse, de Marseille. On a pu tester notamment deux choses qui m'ont pas mal marqué. C'est, vous voyez, aujourd'hui, toutes nos données sont devenues informatiques, on n'a plus accès à rien. Et en fait, avec notre casque de réalité virtuelle et nos manettes, toutes nos données étaient autour de nous. Ce qui fait que une fois le casque enfilé, on avait toutes nos photos, tous nos documents qui voltigeaient autour de nous comme une sorte de nuage. Et on pouvait, à notre guise, les déplacer, les classer, prendre certains documents, les afficher en plus gros. Et j'ai trouvé ça super intelligent pour un petit peu nous rapprocher de nos photos, on va dire. C'était le terme exact que le constructeur m'a donné. Et on a pu tester aussi, vous voyez sûrement, les jeux vidéo de combat. Genre Call of Duty pour citer le plus connu. Et ben en fait ils ont fait pareil avec des cases de réalité virtuelle. On avait une zone dédiée de 20 mètres sur 10 mètres approximativement. Et ils nous avaient donné des faux pistolets, des cases de réalité virtuelle, des sacs à dos qui devaient nous... Enfin des sacs à dos, des combinaisons pour nous situer dans l'espace. Et le but c'était de tuer des zombies. Bon, il y en a même qui se sont rentrés dedans, j'ai vu à des moments. C'était assez drôle à voir. Et j'ai été assez choqué, je dirais, par les avancées technologiques, parce que bon, avant ça, je me tenais pas trop au courant. La réalité virtuelle, je savais que ça existait, mais j'étais pas à fond dedans. Bon, bah, je me suis pris une claque, on va dire. Si vous voulez je vais vous parler déjà de l'interview, juste avant, parce que je m'éparpille. Donc, le salon Laval Virtuel existe depuis maintenant 21 ans, d'accord ? C'est l'un des pionniers. Et depuis que la réalité virtuelle en elle-même, les casques sont arrivés, le salon a augmenté de façon exponentielle. Hein. Si vous voulez juste un ordre d'idée de la grosseur du salon, cette année, il y avait HTC, Microsoft, Huawei, Sony, Samsung, Epic Games était leur partenaire officiel et l'un de leurs plus gros. Et aussi Oculus. Donc, à ce niveau-là, c'est pas un petit salon, hein. Ça commence à être quelque chose d'assez conséquent. L'organisateur organise même un second salon en Asie, d'accord. Dans la ville de Qingdao, d'accord. Bon, le truc c'est que là-bas c'est vraiment un gros salon, encore plus gros que Laval, hein, parce que Laval c'est quand même une ville de 50 000 habitants en Mayenne. C'est quand même pas énorme pour accueillir du monde. Alors que Qingdao, c'est vraiment une grosse ville. Et de par le fait, ils peuvent accueillir beaucoup plus de publics internationaux et des gros poissons, comme on pourrait dire. Alors du coup, j'ai posé pas mal de questions sur la réalité virtuelle, vu que c'est l'une des personnes les mieux placées pour nous en parler, vu qu'il la côtoie tous les jours, enfin, il connaît bien ça. Donc, selon lui, hein, la réalité virtuelle arrive à maturité, hein, on arrive à faire des choses assez incroyables, la qualité est quand même plutôt très bonne, on arrive presque à faire du 360 degrés pour certains casques, enfin, il y en a qui arrivent. Donc maintenant, en fait, ça va être juste du peaufinage. Hein. Les casques moins gros, pas de fil, connectés en Bluetooth, bah, ça se résume. Peut-être une meilleure qualité d'image, hein, parce qu'avec la course à l'image, hein, 4K et compagnie, ça va juste être du peaufinage. Il y a un truc qui m'a pas mal amusé aussi, c'est que, vous voyez, si vous êtes un adolescent, vous avez dû sûrement déjà entendre vos parents, si vous jouez, vous dire ouais, les jeux vidéo ça vous désocialise, nanana. Bon, selon lui, d'accord, la réalité virtuelle va justement augmenter le partage et l'échange et va nous resociabiliser. Ça m'a paru étonnant au début, mais il a pris un exemple très simple, c'est que bah, outre le fait qu'on pourra, un peu comme dans Ready Player One, je vais pas mal prendre cet exemple parce que c'est le film le plus approprié pour en parler, on pourra se voir dans le futur. Je lui ai aussi parlé de toutes les avancées technologiques, selon lui. J'en ai dans 10 ans, ce qui prévoit dans 10 ans. Il m'a regardé et j'ai été très étonné aussi parce qu'il m'a dit « Oula, attends, déjà dans 5 ans, d'accord, on aura déjà l'humain augmenté qui sera plus performant qu'aujourd'hui, d'accord, on aura les robots qui seront encore plus performants, on aura sûrement l'ordinateur quantique, parce qu'on peut voir à l'E3, IBM avait ramené un début, bon c'était pas encore ça à progresser, mais dans 5 ans, au vu de la vitesse de la technologie, ordinateur quantique, il y aura sûrement, hein, l'hologramme, les jumeaux digitaux, la réalité mixte, juste les jumeaux digitaux, en fait, c'est... Vous voyez, imaginez, vous avez une usine, d'accord ? En fait, vous la programmez en digital sur un ordinateur. Comme ça, vous pouvez faire tout plein de modifications sur l'ordinateur. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de modifier toute l'usine. Du coup, ça n'impacte pas la production. Bon, voilà. Et il m'a dit, déjà, dans 5 ans, on a tout ça. Alors, dans 10 ans, je peux pas te dire. Il m'a dit, clairement, si vous voulez... vous projetez pendant 10 ans au niveau de la réalité virtuelle, regardez un film de science-fiction, genre Ready Player One. Et après, il m'a dit que dans Ready Player One, tout ce qui se fait au niveau de la réalité au niveau de la réalité virtuelle se fait. Les casques, ils se font. Les tapis pour courir, ils se font. Je l'ai moi-même testé d'ailleurs, c'était assez drôle. C'était d'ailleurs assez drôle, hein. J'ai testé des casques, des tapis de réalité virtuelle, des tapis et des petits accessoires, comme si on prenait un ovale, qu'on le coupait en deux, et on marchait dessus, ça glissait, puis c'était super, super immersif, si vous voulez. À un moment, j'ai même oublié que j'étais dans un jeu, j'ai cru que j'étais dans la vraie vie, c'était assez choquant, on va dire. Bon, ça s'y est, d'accord. La combinaison de réalité, la combinaison pour ressentir le froid, le chaud, la douleur, si quelqu'un te touche, ça existe aussi. Il y a des Russes qui ont ramené un prototype le jeudi, lors des journées pro, qui ont ramené un prototype de combinaison. À ce qui paraît, ça marche plutôt bien. Hein. C'est une grosse combinaison et on ressent les émotions. Donc, vous voyez, en fait, et ce livre n'a été écrit qu'en 2011. En 2011, bon, il y a déjà des trucs qui étaient dans les bacs, comme par exemple le casque de réalité virtuelle. Mais la combinaison pour ressentir les émotions, c'était pas... Personne n'y aurait... Enfin... On ne pensait pas que ça aurait pu être si proche, quoi. Pareil pour le tapis pour se déplacer. En 2011, c'était pas encore... ça à peine. En 2011, si vous cherchez un petit peu les casques de réalité virtuelle, il y en avait et ils étaient pas tip-top, quoi. T'as envie de vomir pour certains. C'était vraiment bof-bof. Donc vous voyez, rien qu'en 8 ans déjà, on est passé du stade de limite science-fiction à limite réalité. Donc dans 10 ans, vous pouvez donner libre cours à votre imagination. Parce que là, on peut pas prévoir. Donc pour ceux qui sont un petit peu pessimistes, vous pouvez avoir peur pour les robots, hein, parce que je sais que pas mal de personnes à qui je discutais m'ont dit « Oh là là, tu te rends compte, les robots vont prendre le contrôle sur l'humanité. » Bon. Et pour ceux qui sont optimistes, vous pouvez rêver par rapport aux avancées technologiques qu'il y aura, les ordinateurs quantiques, l'intelligence artificielle et toutes les choses qui sera possible de faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous voulez aller voir la Valve Virtuelle, l'année prochaine, c'est en mars. Vous vous renseignez, la Valve Virtuelle, c'est en Mayenne, à l'autre bout de la France, à Laval. Ce sera probablement dans les mêmes dates, le 22, 23, 24, 25. Et puis, ma foi, à l'année prochaine, pour un prochain épisode sur la Valve Virtuelle. Et à la semaine prochaine, pour un prochain coup de cœur. La semaine prochaine, je vous parlerai sûrement d'un bon vieux western. Allez, sur ce, à la semaine prochaine. C'était Aurélien sur Radio Geek.